Chapitre 28e. Les pieds mignons. À sa gauche, dans le couloir antichambre, se trouvait une porte. Paulin Broquet l'ouvrit doucement. Elle donnait sur le cabinet de toilette. Il entra, refermant derrière lui cette nouvelle porte. Ici, il ne s'arrêta pas à flairer l'air, à chercher la trace du parfum blond, qui devait fatalement se mêler aux senteurs des eaux de toilette, des alcools à friction, du savon. Mais il fouilla des yeux. Il chercha avec les mains dans les placards, sous la draperie qui cachait la penderie. Il passa ensuite dans la salle de bain. Ni là, ni dans le cabinet de toilette, il ne put apercevoir, découvrir, quoi que ce fût, qui lui signala la présence de la comtesse Varsovia. Cependant, il gardait la conviction que la jolie femme se trouvait encore au chevet du blessé quand des boisbilles avaient été annoncées. Elle devait même ne pas être arrivée longtemps avant lui. Le bouquet, qui se trouvait posé seulement sur la table de nuit, qu'on n'avait pas eu le temps de mettre dans l'eau, l'indiquait clairement. Madame Varsovia n'était pas sortie, n'avait pas quitté l'appartement. On l'eût entendu marcher, on l'eût aperçu. Elle ne le pouvait pas, puisque lui tenait la clé de la porte dans sa poche. Donc elle était là, dans une pièce voisine, attendant certainement le départ du ministre, son départ à lui, pour prendre sa place dans la chambre du blessé. N'ayant rien trouvé de ce côté, Paulin Broquet repassa dans le couloir. Une porte se trouvait à droite, en face de celle-ci. Il l'ouvrit et s'engagea dans une nouvelle pièce très éclairée où l'on ne pouvait pas se cacher. C'était la salle à manger. À peine Paulin Broquet y entrait-il qu'il se dit en souriant « C'est par ici qu'elle est passée. La trace du parfum blond y persiste. » Paulin Broquet fit le tour de la salle à manger, puis, suivant toujours la piste parfumée, il passa dans une autre pièce qui était l'office. La trace du parfum blond s'y trouvait également. Après l'office venait la cuisine. La porte de la cuisine était entr'ouverte. Paulin Broquet s'avança sans bruit jusqu'à elle. Il écouta, n'entendit rien. Il poussa un peu la porte, regarda, personne dans la cuisine. « Tiens, » dit-il, « c'est assez curieux. Où donc est le valet de chambre ?» Simonet n'avait que ce garçon pour domestique. Il ne mangeait jamais chez lui et n'avait pas de cuisinière. Or, il était singulier que le valet de chambre, surtout en un moment pareil, son maître blessé, malade, ayant besoin de ses services, constamment, et de nombreux visiteurs pouvant survenir, il était étrange que le valet de chambre ne fût pas à son poste. Peut-être était-il sorti pour une course urgente, car en face, de l'autre côté de la cuisine, Paulin Broquet aperçut la porte de l'escalier de service entr'ouverte. Le détective alla vers cette porte. Il l'ouvrit, s'engagea sur le palier, et là, il éprouva la surprise de retrouver la piste du parfum blond. Il se pencha sur la cage de l'escalier étroit, noir, mal aéré. « C'est par ici, » dit-il, « c'est par ici que la jolie comtesse a fui. » Paulin Broquet pouvait trouver étonnant que l'élégante jeune femme eût choisi cet escalier pour s'en aller, mais cela lui fournit la preuve que c'était bien elle qui avait apporté les fleurs, qu'elle se tenait dans la chambre du blessé un peu avant ou en même temps que le baron de la Roucoulière, et lui démontra qu'elle ne tenait pas à se trouver en sa présence, et qu'ayant vu la porte de sortie fermée, elle s'était éclipsée par la seule sortie qui lui resta. Au demeurant, se dit-il, c'est tout naturel. Elle s'est échappée comme elle a pu. Mais ce qui m'étonne, c'est que n'ayant pu le faire sans que le valet de chambre en eût connaissance, elle ait trouvé chez lui un concours précieux. Paulin Broquet ferma cette porte à clé, se disait que le valet de chambre, qui certainement était descendu avec la comtesse, maintenant, pour entrer dans l'appartement, devrait sonner, appeler. C'est lui, Paulin Broquet, qui irait ouvrir. Il se proposait de lui demander quelques explications à ce sujet. Toujours glissant comme une ombre, Paulin Broquet revint vers la chambre à coucher du blessé. Toutefois, il ne passa pas par la salle à manger. Il s'engagea dans un petit couloir qui conduisait au cabinet de travail du chef du cabinet du ministre. Ici, sa surprise augmenta. Dans ce couloir, il retrouva le parfum blond. « Elle est donc passée partout, » se dit-il. Mais ici, le parfum semblait plus fort, plus fraîchement laissé. Très intrigué, Paulin Broquet se faufila dans le cabinet de travail. Les émanations du parfum blond y semblaient aussi fraîches, aussi fortes que dans le couloir. « C'est à croire, » pensa le détective, « que la comtesse vient à peine de passer par ici, qu'elle est encore dans la pièce. » Il regarda et ne put rien apercevoir. Toutefois, comme dans la salle à manger, les meubles ne permettaient pas à quelqu'un de se dissimuler dans la pièce. Il n'y avait que, au bout opposé de la pièce, une large portière masquant la porte de la chambre à coucher qui pouvait offrir un abri. Précisément, le parfum blond semblait d'autant plus vif qu'il se rapprochait de cette portière. Intrigué, Vollin-Broquet se dirigea vers cette portière, se mettant à genoux, passant sous les meubles, glissant, rampant comme une couleuvre. La porte de la chambre était ouverte à demi. Malgré la portière, on entendait les voix du ministre et de son chef de cabinet. Or, entre la porte à demi ouverte et la portière, se dissimulait un corps. Quelqu'un était là, aux écoutes, aux aguets, à l'affût. Vollin-Broquet pouvait voir le gonflement de la portière qui trahissait la présence de l'indiscret. Le parfum blond qu'autour de lui il répandait le dénonçait. « Elle, se dit Vollin-Broquet, c'est la comtesse qui écoute, qui attend là que nous soyons partis. Elle n'a donc pas pris la fuite par l'escalier de la cuisine. Curieux. Cependant, sa trace parfumée me le faisait croire étrange. » Il s'attendait à apercevoir sous la portière les pieds menus, bien chaussés, les hauts talons de la jolie comtesse Varsovia. Souriant en lui-même, il se proposait de causer à l'indiscrète en la surprenant dans sa cachette. Une telle frayeur qu'elle ne s'aviserait plus d'écouter ainsi aux portes, tout au moins quand Vollin-Broquet se trouverait dans la maison. Grand fut le désappointement de Vollin-Broquet. Au lieu de pieds mignons, cambrés, chaussés de bottines fines, élégantes, ce furent de pieds énormes, larges, plats, dans des souliers de ville robustes, qui apparurent sous la portière. « Bon, se dit Vollin-Broquet, je devine, je comprends. » Alors il tira de sa poche une chaînette d'acier, fine comme une corde à fouet. Il la déroula sur le tapis, bien à portée, vers le milieu de la pièce. Puis se levant, il s'avança jusqu'à la portière. Là, il fit un bond, sauta, saisit la portière à pleine main, la serra fortement et se laissa tomber de tout son poids. La portière céda, se détacha des deux montants qui la supportaient. Vollin-Broquet tomba alors sur le tapis, entraînant dans sa chute l'homme qui se tenait aux écoutes. Il roula vivement l'indiscret dans la portière, le mit dans l'impossibilité de faire le moindre mouvement de défense, et attirant la chaînette d'acier, il le ficela comme un paquet. « Un de plus, » dit-il tranquillement au ministre, qui accourait au bruit. « Qu'est-ce qui se passe donc ?» demanda M. Desboisbilly. « La réplique, monsieur le ministre, la réplique de Vollin-Broquet à Zigomar, portière pour portière, » il ajouta. « Cet homme épiait, écoutait. » Mais le malheureux, maintenant étouffé, roulé dans la portière, il manquait d'air, suffoquait, se débattait affreusement. Vollin-Broquet eut pitié de lui. Il déroula le haut de la portière, dégagea la tête du captif, lui donna de l'air. Dès que la tête parut hors de la portière, deux cris retentirent. L'un poussé par Simonet. « C'est Adolphe, mon valet de chambre !» L'autre par Vollin-Broquet. « Le vicomte, l'ami du marquis Zigo Martolo !» Le détective ajouta. « Je vous en prie, monsieur le ministre, vous aussi, monsieur Simonet, ne me demandez pour le moment aucun détail. Plus tard, je vous dirai tout. »